Yo, ça bon, t'as tout ce qu'il faut ou quoi? Paré mon frère avec mon mic. Alright, moi aussi c'est bon, j'ai ma hache. Ready, let's go. Lasco, Aislova, te donne ça toujours bada. Sur le microphone c'est comme ça qu'on fait pas de détails. Tu sais déjà, son boy on est toujours rempli de pure style. C'est de Rouen au Havre, ça se passait. Mais tu n'entends pas le terminal sans c'est. Avec une boy et paya, c'est paya. Mais tu n'entends pas le rythme, c'est le spook rythme. Guyana, Africa, présente le maritime. Ouais, Islova, YSLOVAHE ici. Avec Kassam, met un mic en guise de H-Man easy. Lasco, qu'est-ce qu'on dit? Dis-moi si tu es ready. Car le rythme, on va l'assassiner. Tu sais, oui, on n'a pas le temps de jouer. Parle pas de mic ici, si osé. On vient pas ici, osé. Qui sait comment on fait? En mode impro, nous c'est 9, c'est 3, 7, 6. Connection Africa represent. You don't know my man. Lasco, Islova, te donne ça toujours bada. Sur le microphone, c'est comme ça qu'on fait pas de détails. Tu sais déjà, son boy, on est toujours rempli de pure style. C'est de Rouen au Havre, ça se passait. Mais tu n'entends pas le terminal sans c'est. Avec une boy et paya, c'est paya. Mais tu n'entends pas le rythme, c'est le spook rythme. Guyana, Africa, représente le maritime. Et grosse son, tiers de goût, ça fait doum doum. T'en fais ta douche, j'ai des gueules, m'a dit doum doum. Quand tu pleures basse, même de plan vrai, ça se regrette. Si tu bouges ta tête, t'as voulu que tout approuve. Lasco, Aislova, te donne ça toujours bada. Sur le microphone, c'est comme ça qu'on fait pas de détails. Tu sais déjà, son boy, on est toujours rempli de pure style. C'est de Rouen au Havre, ça se passait. Mais tu n'entends pas le terminal sans c'est. Avec une boy et paya, c'est fire. Mais tu n'entends pas le rythme, c'est le spook rythme. Guyana, Africa, représente le maritime. Lasco, dis-moi si tu es au PK avec le public. On va les brûler, ouais. Tu sais déjà le système. Pas le temps de jouer frangin, mais nous on est déterminés. Une mission, pas une compétition, et tu le sais. On donne toujours ça au maximum. On ne fait jamais tant le minimum. Évitable, évité pour affronter Babylone. Quand on donne tout, tout, tout ce qu'on a en nous, en nous. Notre mission c'est de donner des bonnes vibes. Toujours au combat comme des guerriers Maasai. Hey, c'est Babylone, non jamais tu nous étonnes. On vient et on te détrône. Fire boom Babylone. Lasco, Aislova, te donne ça toujours bada. Sur le microphone c'est comme ça qu'on fait pas de détails. Tu sais déjà, son boy on est toujours rempli de pure style. C'est de Rouen au Havre, ça se passait. Mais tu n'entends pas le terminal sans c'est. Avec une boy et paya, c'est fire. Guyana, Africa, représente le maritime. Lasco, Aislova, te donne ça toujours badass.